d'un poète espagnol anonyme du XVIIe siècle, à Christ crucifié. Ce qui me pousse à t'aimer, mon Dieu, ce n'est pas le ciel que tu m'as promis. Si je ne t'offense pas, ce n'est pas non plus par crainte de l'enfer. C'est seulement ton amour qui me pousse à t'aimer. Ce qui me pousse à t'aimer, c'est de te voir cloué sur la croix. Ce qui me pousse à t'aimer, c'est de voir les plaies de ton corps, la passion que tu as subie et ta mort. Ce qui me pousse et m'entraîne finalement, c'est l'amour que tu as pour moi. Et c'est si vrai que même s'il n'y avait pas de ciel, je t'aimerais. Même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais. Tu n'as rien à me donner en échange de mon amour. Et même si ce que j'espère, je ne l'atteins pas, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ma mort.